On tue ou on blesse, tu connais chez eux pour trafic de cesse. Plusieurs milliers de blesses, c'est le cimetière, la prison ou la chaise. Faut venir tes jolies collines, photo réception, remonte au portique. Je connais pas de gens solides, quand on les sanctionne, ils deviennent gentils. J'ai fait le tour du monde, mais je reviens à mon fer. Il m'attendait à tournant, mais c'est plus ton pas su faire. Que des bobos, je récupère l'engin, c'est trop tard pour dire laisse tomber. Y'a la moto, tu sais qu'on est tiens, c'est la hure, y'a pas de mise en scène. Baby, oh non, fais les magasins, la te car jamais te laisse tomber. Elle dit non, non, baby, non, non. J'avais quitté la zone, aujourd'hui je me dis ça, yeah. J'ai fait mal, y'a des fautes qui m'ont ramené au Cayenne. Je remonte les dividendes, ma chérie, je fais que de moi, yeah. C'est une seule évidence, dis-je mets ton nom sous le cahier. Tu sais, je dois les choquer, les kens sortent du château, château. Je les frite sur son popotin, j'allume un sécote, sécote. V12 automatique au boîtier, ça démarre normal. Bénéfice dans le coffre et j'ai mon arme de poing. J'ai fait le tour du monde, mais je reviens à mon fer. Il m'attendait à tournant, mais ces putes n'ont pas su faire. Que des bobos, je récupère l'engin, c'est trop tard pour dire laisse tomber. Y'a la moto, tu sais qu'on est tiens, c'est la hure, y'a pas de mise en scène. Baby, oh non, fais les magasins, la te car jamais te laisse tomber. Elle dit non, non.